Les filles, qui aimaient peut-être toujours leur père, ont voulu ménager la chèvre et le chou, le père et le mari. Elles ont reçu le gorillot quand elles n'avaient personne. Elles ont imaginé des prétextes de tendresse. « Papa, venez, nous serons mieux, parce que nous serons seuls, etc. » Moi, ma chère, je crois que les sentiments vrais ont des yeux et une intelligence. Le cœur de ce pauvre 93 a donc saigné. Il a vu que ses filles avaient honte de lui, que si elles aimaient leur mari, il nuisait à ses gendres. Il fallait donc se sacrifier. Il s'est sacrifié, parce qu'il était père. Il s'est banni de lui-même. En voyant ses filles contentes, il comprit qu'il avait bien fait. Le père et les enfants ont été complices de ce petit crime. Nous voyons cela partout. Ce père d'Orio n'aurait-il pas été une tache de cambouis dans le salon de ses filles? Il y aurait été gêné, il se serait ennuyé. Ce qui arrive à ce père peut arriver à la plus jolie femme avec l'homme qu'elle aimera le mieux. Si elle l'ennuie de son amour, il s'en va. Il fait des lâchetés pour la fuir. Tous les sentiments sont là. Notre cœur est un trésor. Videz-le d'un coup, vous êtes ruiné. Nous ne pardonnons pas plus à un sentiment de s'être montré tout entier qu'à un homme de ne pas avoir un sou à lui. Ce père avait tout donné. Il avait donné, pendant 20 ans, ses entrailles, son amour. Il avait donné sa fortune en un jour. Le citron bien pressé, les filles ont laissé le zeste au coin des rues.